troisième temps de notre série sur l'héritage des guerres. Ce matin, notre émission d'archives s'attache à comprendre l'obsession des guerres chez deux écrivains. Après avoir évoqué hier la guerre des partisans dans les territoires soviétiques conquis par les nazis en 1941 avec Masha Serovitch qui vient d'obtenir le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois où nous nous trouverons vendredi avec beaucoup d'autres émissions de France Culture et avant demain de recevoir les auteurs de la récente histoire de la guerre au 19e et 20e siècle publiée au Seuil, nous allons ce matin tenter de comprendre grâce à deux auteurs, Jean-Yves Joinet et Jérôme Prieur, comment les guerres et leur mémoire nous taraudent toujours. Avec Anaïs Quien qui a préparé toute cette semaine avec nous et qui va co-animer cette émission, nous allons demander à Jérôme Prieur, auteur de La moustache du soldat inconnu, publié à la librairie du 21e siècle au Seuil, et à Jean-Yves Joinet, auteur d'une épopée en 22 chants Moab chez Grasset, ce qui continue de les intéresser dans les conflits les plus anciens ou les plus récents. J'ai appris cette terrible nouvelle un matin. Elle avait sans doute commencé bien avant, depuis toujours. La rosée n'était pas encore séchée sur le feuillage des arbres, et déjà on avait annoncé que la guerre était déclarée. Et cette rosée que j'avais subitement remarquée sur les arbres lorsqu'on avait annoncé la guerre, elle m'est revenue souvent en mémoire quand je me suis retrouvé au front. Chacun y est pris, chacun y sera pris. Oui, les morts sont oubliés, et les erreurs aussi. Et les mensonges, et les froides et tristes réflexions nées de la solitude. Ceux qui demandaient dans quelles circonstances elle avait éclaté le faisaient dans le seul but de croire qu'un jour elle n'avait pas existé, et qu'un jour elle prendrait fin. Mais ils se trompaient. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour Jérôme Prieur. Bonjour. Bonjour à vous Jean-Yves Joinet. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce studio de la Fabrique de l'Histoire. Et vous venez d'entendre un comédien que vous connaissez bien, Christophe Brault, puisqu'il a déjà lu certains des extraits de ce livre qui vient tout juste de paraître, Moab, une épopée en 22 chants. On en a écouté un tout petit extrait, on en écoutera d'autres pendant cette émission. C'est un projet gigantesque que vous menez maintenant depuis quoi, une quinzaine d'années ? L'encyclopédie des guerres, puisque c'est ça dont vous parlez, j'imagine, est une drôle de machine qui a commencé en septembre 2008. Ça fait 10 ans exactement, en fait. On fête l'anniversaire des 10 ans de l'encyclopédie des guerres, qui est un cycle de conférences, un rythme mensuel à Beaubourg, qui est avant toute chose une collection de citations de livres de guerre. C'est très bête, hein, c'est une collection, il n'y a rien de très très spirituel ou d'intelligent là-dedans, et après j'essaye de savoir ce que j'en fais, pourquoi je fais ça. En fin de compte, j'ai pas beaucoup de réponses aujourd'hui encore. Je pense là à la question que vous posez autour de cette table, en quoi ça nous concerne, en pourquoi ça nous obsède, pourquoi ça nous taraude. C'est pour ça que j'ai aimé lire le livre de Jérôme Prieur, qui est peut-être plus avancé que moi sur la réponse. Et j'ai hâte de l'entendre s'expliquer là-dessus. Moi, je sais pas. Je sais que ça remonte à l'enfance, évidemment. Et à partir des citations de l'Encyclopédie des guerres, j'ai composé, en effet, pendant les 4 dernières années, cette espèce d'épopée qui est un montage, qui est un collage. Il n'y a pas une phrase de moi dans Moab. Les 22 chants, les 22 tableaux d'une bataille imaginaire, mais qui est l'hyper-bataille. C'est la bataille des batailles qui est composée à partir de descriptions issues de tous les livres que j'ai eus entre les mains, hein, de l'Iliade aux mémoires de Gaulle, en passant par tous les livres que j'ai pu lire. Anaïs Quien. Et ces livres que vous avez eus entre les mains, là vous parliez de vos conférences à Beaubourg, qui sont des conférences relativement solitaires, mais vous avez fait des choses plus collectives. Je me souviens d'une résidence dans une librairie à Paris où vous invitiez les gens à vous apporter, à partager leur bibliothèque avec vous. Oui. À vous nourrir mutuellement de ces écrits de guerre. Oui, ça c'est une espèce de bourgeon un peu bizarre et accidentel de l'Encyclopédie des guerres qui demeure le cœur de mon métier, je pourrais dire, puisque dès le début, les premières conférences, les gens m'ont très gentiment apporté des livres de guerre. En fait, comme j'ai des problèmes avec les cadeaux, j'ai toujours l'impression de ne pas les mériter, je me suis dit, ça m'intéresse vos livres, mais je vais trouver le moyen de les échanger. Donc le principe, il est très bête, hein, encore une fois, je suis très idiot, c'est que j'accepte les livres de guerre, mais en échange de mes livres à moi. Donc je l'ai fait très régulièrement, je l'ai fait à Beaubourg le mois dernier, où pendant une semaine, j'avais amené à peu près 1000 livres de ma bibliothèque personnelle, des poèmes, des livres d'art, j'ai été critique d'art longtemps, et puis les gens m'amènent des livres sur Verdun, voilà, et j'échange comme ça, je transforme ma bibliothèque personnelle en bibliothèque de guerre, parce que je sais que je ne lirai plus Balzac, à part le colonel Chabert, je lirai plus Huysmans, où il n'y a jamais question de guerre. Et comment vous trouvez des équivalents entre le livre qu'on vous donne et celui que vous donnez? Alors, c'est une bonne question, il n'y a pas d'équivalence. C'est un livre contre un livre. Je me fais souvent avoir, d'ailleurs, on m'amène un volume dépareillé en livre de poche. Ça fait rire Jérôme Prieur. Bon, voilà, et puis en échange, on prend un très beau livre, un catalogue raisonné de Darman ou de Yves Klein, mais bon, voilà, c'est le principe. Mais en tout cas, c'est un livre de guerre contre un livre de non-guerre. Il faut préciser que dans le texte qui vient d'être lu par Christophe Brou et dans tout le texte de Moab, il ne faut pas s'attendre à lire un paragraphe de De Gaulle qui succède à un paragraphe de Sun Tzu et qui précède un paragraphe de Clausewitz. C'est en fait un collage beaucoup plus subtil, beaucoup plus, vous dites, c'est un peu idiot, c'est évidemment bien plus que cela, puisque une phrase peut être tirée d'un ouvrage et à laquelle succède une autre phrase tirée d'un autre ouvrage, et au bout du compte, vous composez des rapports à la guerre, pourrait-on dire. Comment la guerre se décrit, comment la guerre se montre dans cet ensemble gigantesque de textes que vous avez pu lire, Jean-Yves Joinet. Oui, alors, ça c'est la question bricolage. Alors la bricole, c'était une machine de guerre, comme vous le savez, jusqu'au XIIIe siècle, donc j'aime bien l'idée du bricolage, comment on bricole sous les murs d'une ville que l'on veut prendre, avec ce qu'on a sous la main. Moi, je bricole avec les livres qu'on m'a apportés. Donc, il y a un côté aléatoire. Je ne suis pas universitaire, j'ai pas choisi les livres que je lis sur la guerre. Ça m'intéresse beaucoup. À partir de là, j'ai composé un texte qui est une espèce de marqueterie un peu aléatoire, dans le sens où tout n'est pas raccord dans cette histoire-là. On passe d'un imparfait à un passé simple, et puis on comprend que le sujet d'une phrase, c'est Rommel, et puis on passe à Hannibal. Donc on sent bien qu'il y a un problème. C'est comme une espèce d'immense anacolute, une espèce de phrase qui tient vaguement de Guingois tout du long, mais on sent bien que c'est pas un texte homogène. Malgré ça, j'ai tenu. Tout, on voit bien les récurrences de ces narrations guerrières. D'ailleurs, le livre est chapitré, propose des thématiques. Tout à fait. Des thématiques fuyantes, effectivement. On voit bien que ces phrases débordent d'elles-mêmes, débordent les unes sur les autres. Buffalo Bill déborde sur Siddhartha, etc. Mais c'est véritablement une construction à partir d'un récit de guerre qui finalement serait toujours le même. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a moi un chant que j'aime beaucoup. Il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Forêt et il y en a un qui s'appelle Tel, qui est un catalogue de métaphores. Comment les hommes tombent? Alors comment dit-on qu'un homme tombe à la guerre ou au champ d'honneur, à Verdun ou sous la plume de Thucydide? Ou en fait, c'est toujours comme des moissons qui tombent, comme des gouttes de pluie qui écrasent la fleur de pavot, comme un rocher qui dévale une pente chez Homère. En fait, le catalogue des métaphores, il est très pauvre, quelle que soit l'époque, quel que soit le génie des auteurs, que ce soit Céline ou Corneille ou voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est plutôt la pauvreté de la langue ou de l'invention littéraire pour dire toujours la même chose. Et cette chose qui est toujours redite, c'est la bataille. C'est pas la multitude des batailles, puisque ce qui est au cœur de mon intérêt pour le sujet, c'est qu'il n'y a jamais eu qu'une seule et même guerre, qu'on n'est jamais sorti de la guerre. Hein, c'est le fleuve d'Héraclite. Il y a pas. On peut imaginer ou rêver qu'il y a eu des périodes de paix. Quand Thucydide décrit la guerre du Péloponnèse, il y a au moins trois guerres dans la guerre du Péloponnèse, et puis il y a ce qu'on appelle la paix de Nicias. Mais la paix de Nicias, c'est une paix à laquelle n'ont pas souscrit beaucoup de villes comme Corinthe, comme ce n'est pas la paix, ce qu'on appelle la paix, jamais. Oui, parce que effectivement, il y a dans cette, pourrait-on dire, universelle, pour ce qui est de la géographie, et éternelle pour ce qui est du temps, il y a des figures qui sont des figures obligées. Le face-à-face, par exemple, comment on regarde l'adversaire, comment on sait qu'on est juste au moment où on va aller tuer celui qui est en face de soi, comment on déploie les oriflammes et les drapeaux, par exemple, comment, justement, il faut faire peur à celui qui est en face de soi pour pouvoir avoir une chance de gagner cette bataille, Jean-Yves Jouannet. Oui, oui, sont des figures obligées, des topoi, on dit des topos en français, bon, voilà, des topos littéraires, et que ce dont il est question là, c'est une hypothèse un peu scandaleuse, mais moi qui me tient à cœur, c'est que les hommes ont choisi de faire la guerre pour pouvoir inventer des récits. Pourquoi Jules César, et c'est pas moi qui l'invente, c'est Michelet, Jules Michelet, envisage Jules César débarquant en Gaule. En fait, l'enjeu à ce moment-là, c'est pas la Gaule. Bien sûr, il prend le prétexte de la migration des Helvètes pour intervenir en Gaule, mais ce qui menace l'Empire, c'est le Danube, c'est la Dacie. Alors il intervient en Gaule, pourquoi ? Parce qu'il y a une couleur locale, il y a les grandes forêts gauloises, il y a la valeur des guerriers celtes, il y a la religion des druides qui fascine les Romains. Et puis il y a la peur des Gaulois qui remonte au IIIe siècle avant. Tout à fait, mais en tout cas, il y a cette chose-là, c'est que cette évidence, et c'est ce que décrit Michelet, il faut imaginer César dans les grandes forêts gauloises à la recherche d'un matériau littéraire à la hauteur de son génie. Il ne dit pas d'une bataille ou d'une campagne militaire qui va faire valoir son génie militaire. Jules César en résidence d'écriture en Gaule. C'est ça dont il s'agit. Et ça me laisse pas du tout indifférent, cette hypothèse-là. C'est-à-dire que Jules César fait une guerre pour écrire un livre qui s'appelle « Commentaire sur la guerre des Gaules ». Et Xénophon fait la même chose, et le prince de Ligne, ces hommes qui ont fait des guerres pour produire de la littérature. Et la boucle se ferme très rapidement, parce que beaucoup d'hommes, à bien des époques, se sont engagés dans la carrière militaire parce qu'ils avaient lu Thucydide, Jules César, etc., pour se conformer à cette idée de la guerre produite par des hommes de lettres. Parce que l'imaginaire littéraire de la guerre avait fini par les convaincre que c'était leur destin que de faire la guerre pour pouvoir produire un nouvel imaginaire ou renouveler cet imaginaire littéraire. Ou le prolonger, le continuer. Mais c'est pour l'expérience, l'aventure, tout simplement aussi. C'est-à-dire que faire un grand voyage, à l'époque de Jules César, il faut trouver un motif, un prétexte, un financement, une raison de le faire. On ne prend pas l'avion pour traverser le monde en 6 heures. Non, mais la guerre est souvent le prétexte à ce voyage-là. Des soldats bondirent des tranchées, plongèrent de nouveau dans leurs tranchées, sautèrent encore hors des tranchées comme des marionnettes à leur fil, tels des lièvres terrés de peur dans les saletis en flammes de Soliana. Aucun d'eux n'a eu le temps de poser le pied par terre. La plupart étaient accrochés et pendaient tels des pantins désarticulés. Les hommes, tels un château de cartes, dégringolent tour à tour, comme des châteaux de cartes. D'autres tombent comme de jeunes arbres que l'ardeur de la flamme à dévorer au souffle des vents d'automne. D'autres encore, l'ombre voilant leurs yeux, de même qu'une tour, s'abattent dans la rude mêlée. La plaine est recouverte des corps des guerriers, comme si c'était de l'herbe. Le sol était jonché de cadavres jetés comme des sacs de blé. Le champ de bataille, en ce printemps nouveau, est un vaste jardin de verdure et de lys. Mais le rouge et le blanc qui fleurissent dans l'herbe sont de chair, de cervelle et de sang, et d'épée. Les morts comme des taupinières sur le pré ravagé. Les plus belles fleurs de notre couronne arrachées par la tempête, Ariston, Astyanax, Ménandre, jonchent le champ de bataille. Leurs jeunes corps vigoureux, simples fumures pour les lauriers de cette fille audacieuse d'Arès. Un extrait tiré justement de ce chapitre Tel, Jean-Yves Jouannet, que vous aimez particulièrement dans votre livre Moab, une épopée en 22 chants, qui travaille la comparaison, le comme. Les oui. hommes meurent comme ceci, ils tombent comme cela, et c'est toujours la même figure de style, pourrait-on dire, qui est employée par les auteurs, qu'ils soient de la Grèce antique ou du XXe siècle. Oui, d'ailleurs, c'est une question que j'aurais aimé poser à Jérôme Prieur, parce qu'il parlera tout à l'heure de ce film incroyable où l'on voit des soldats français entassés sur une charrette des dépouilles de leurs compagnons morts. Et ça a à voir avec le burlesque. Ça a à voir avec le burlesque. Et dans Tell ou dans Moab, il y a quelque chose comme ça, de la litanie, de la répétition, qui est un procédé burlesque. Il y a, pour le coup, à la source et du comique et de la guerre, cette même métaphore, ou cette même image d'un homme qui tombe. Ce sont des hommes qui tombent. Des hommes qui tombent, et qui tombent pendant la Première Guerre mondiale, qui vous obsède, Jérôme Prieur. On vous a déjà tendu la perche deux ou trois fois. Vous allez la saisir dans un instant. Non, mais parce que avant de saisir la perche, je voulais rajouter quelque chose à ce que dit Jean-Yves Jouannet, dont on n'a pas la mesure exactement en lisant son livre, dont on a peut-être la mesure en l'entendant en parler. C'est-à-dire que il se trouve que, grâce à une amie, j'ai découvert l'encyclopédie des guerres presque à ses débuts, peut-être pas en 2008, mais au moins en 2009. Donc il y a longtemps, sans être depuis un passager régulier de cette aventure. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur la dimension de performance, de prouesse, de ce que fait Jean-Yves Jouannet. Parce que là, on lit un livre qui est une suite de citations, un collage, vous l'avez dit, une anthologie bizarre, parce que on passe d'un texte dans l'autre, comme d'une chambre dans l'autre, sans savoir comment, pourquoi, on sait pas à quelle époque on est, de qui il s'agit, et même à l'intérieur d'une même citation, on se demande s'il a pas trafiqué le texte, parce que tellement ça parle à la fois de la guerre de Russie, de la campagne de Russie, de la guerre de 14, de la guerre du Péloponnèse, on est perdu, et je pense que la guerre, ça a à voir évidemment avec ça, mais ce qui est formidable dans les conférences, enfin je sais pas comment on appelle ça, dans l'encyclopédie des guerres que fait Jean-Yves Jouannet au Centre Pompidou une fois par mois depuis dix ans, c'est cette prouesse, enfin cet exploit sportif, le fait que pendant une heure et demie, il tient la barque et il nous emmène grâce à ses lectures, mais grâce aussi à ses improvisations, à ses interprétations, il nous emmène dans ce pays inconnu qui est la guerre. Un pays inconnu que vous avez vous-même parcouru d'une autre manière pour La moustache du soldat inconnu, qui vient tout juste de paraître aux éditions du Seuil dans la collection de la librairie du 21e siècle, et dont Christophe Brault nous lit tout de suite un extrait. Moyen de me distraire durant cette classe de 7e, je m'étais persuadé que mon maître, un homme d'une soixantaine d'années qui me semblait alors très âgé, était un revenant. Monsieur Grangier, c'était son nom, je crois, ou Granger était un pseudonyme. Philippe Pétain n'était pas mort 10 ans plus tôt comme on le prétendait partout. C'était lui. La physionomie, la moustache, d'ailleurs pareille à celle de mes deux grands-pères, tout concordait. Le maître, malgré sa blouse, avait un air de ressemblance indéniable avec la photographie officielle en couleur qui ornait une génération auparavant, hier en somme, le mur de toutes les écoles, des mairies, des postes, des bâtiments officiels. Pétain s'était échappé de l'Île-Dieu. Sous le masque du maître d'école, c'était le vainqueur de Verdun, le stratège découvert dans Historia et les ouvrages de Georges Blon, le général qui sut rester proche de ses poilus, au point de mater les mutineries de 17. L'enfant ne comprit que plus tard ce que cela annonçait. La dureté dissimulée derrière la bonhomie du grand-père, cette apparence de Père Noël, à qui l'on aurait donné le bon Dieu sans confession, Dr. Jekyll abritant l'impitoyable Mr. Hyde, l'histoire de Vichy, au fond, régime de terreur confit dans le sirop de la vertu et du moindre mal. Pourquoi Pétain aurait-il été caché dans ce placard? Avec quoi était-il enfermé? Parmi quel vieux déguisement? Quelle abjection était attachée à lui en même temps que déteignaient les fausses couleurs de ses images d'Épinal? Comment, dans la conscience collective, et la mienne très jeune, il avait abîmé, je dirais salopé, l'esprit de résistance, le courage de tant et tant de soldats inconnus de 14? De cela, de cette confusion entre le professeur et l'icône de la Grande Guerre, dont j'aimais être le seul à m'apercevoir, au risque sinon de le dénoncer, je m'étais persuadé semaine après semaine, jusqu'à y croire avec une légère certitude, comme on dit, un léger doute. J'ai fait le calcul. Il aurait eu alors quelque chose comme 105 ans. Mathusalem n'est-il pas plus vieux ? Le fait est que M. Granger, ou Grangier, ne les paraissait pas. Je me souviens que j'essayais, je ne sais plus comment, de lui faire comprendre que moi je savais. Lui n'en laissait rien voir. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une Fabrique de l'Histoire qui reçoit, avec des lectures de Christophe Bro et Anaïs Quien, qui reçoit donc les deux écrivains, Jean-Yves Joinet et Jérôme Prieur. On vient d'entendre un extrait de votre Moustache du soldat inconnu, Jérôme Prieur, sur la question de l'obsession des guerres, une obsession qui remonte très loin, puisque si vous n'étiez pas devenu le documentariste et cinéaste que l'on connaît, Jérôme Prieur, vous auriez été invité à la Fabrique de l'Histoire pour un grand livre d'histoire sur la Première Guerre mondiale que vous avez commencé à écrire quoi, à 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus tard, à 10, 11 ans, mais et bizarrement, ce livre que j'écrivais avec beaucoup de sérieux, en consacrant mes jeudis, qui était le mercredi de l'époque, à aller à la bibliothèque du musée de l'armée, ce livre, dans mon esprit, devait paraître. Il n'y avait aucun doute qu'il devait paraître, alors que je n'ai pas d'écrivain et d'éditeur dans ma famille, mais c'était comme ça, c'était une sorte d'évidence. Et la seule chose qui me tracassait, c'était pas tellement de l'écrire, c'est assez étrange, c'était que le livre, une fois publié, on ne découvre pas que j'étais si jeune et que ça disqualifie le livre lui-même. Alors fort heureusement, il y a Jacques Meyer, qui était un ancien combattant de la guerre de 14, qui a publié le livre que je voulais écrire, La vie quotidienne des poilus, chez Hachette, et donc ça m'a déchargé d'un... Ça c'était fait. Très bien fait, mais en même temps c'était pas fait, et donc ça a continué à me travailler, à me gêner, à m'embarrasser, à m'occuper des années et des années sans que je sache comment me débarrasser, me défaire de ce projet. Anaïs Quien. D'ailleurs, avec une telle obsession, certains ne s'en seraient jamais sortis, peut-être, ou de manière décevante. Vous avez réussi à achever ce cycle de votre vie. Il y a quand même quelque chose de très fort, de même que dans l'ouvrage de Jean-Yves Joinet, c'est la nécessité de trouver une langue pour parler de la guerre, sans la circonscrire. On voit bien dans cet ouvrage, Jérôme Prieur, que l'espace qui vous est donné n'est jamais suffisant, c'est-à-dire que tout dépasse en permanence, vous décrivez, vous analysez, mais tout ça n'est jamais suffisant, vous n'arrivez jamais à saisir ce que vous cherchez, parce que c'est vraiment l'histoire d'une quête. Alors la quête de quoi exactement? De souvenirs, de la vérité, d'images évidemment, on y reviendra, mais il y a quelque chose de l'obsession, d'un désir peut-être de la quitter, de se délivrer de cette obsession. Mais cette obsession, elle transparaît de manière formelle dans chaque ligne de cet ouvrage. Oui, je raconte dans le livre qu'un été, j'étais à Aix-en-Provence, enfin je n'aime pas banaliser ce que je raconte, donc on ne sait pas très bien où ça se passe, mais c'était à Aix-en-Provence, l'été, il faisait beau, et je me souviens, j'étais content de m'enfermer dans la bibliothèque d'un officier de carrière à qui il manquait un bras, qu'il l'avait perdu à Verdun, et dans cette bibliothèque, il y avait énormément de livres sur la guerre de 14, et là j'étais un petit peu plus vieux, j'avais 13-14 ans, et je me plongeais comme on se plonge dans une mer, je me plongeais dans ces lectures, et je me plongeais surtout dans les récits d'emprisonnement et dans les récits d'évasion, comme si je cherchais à la fois à être dans cette période et à m'évader de la fascination qui m'habitait. Mais je me suis rendu compte surtout que, lisant beaucoup depuis longtemps, en tassant les documents, les éléments, un feu faisant un peu un travail comme Jean-Yves Joinet, un peu comme lui, je stockais des choses, je stockais des citations, je stockais des lectures uniquement sur la guerre de 14, et que finalement, je me suis rendu compte au bout d'un moment, l'image du tapis, elle a pris forme. Et je me suis rendu compte que ce qui me fascinait, c'était la manière dont ces soldats essayaient de raconter la chose hallucinante, indicible, innommable qu'ils étaient en train de vivre. Et donc, ça avait rapport avec le langage. D'autant que il y a tout de suite après la guerre des gens qui tentent de faire la comparaison de ce qu'on a raconté sur cette Première Guerre mondiale. Et par exemple, vous le citez plusieurs fois dans votre ouvrage, Norton Crewe, qui dit bah là c'est crédible, là ça n'est pas crédible. Il tente de trouver une sorte de vérité historique dans ces récits de la Première Guerre mondiale. Vérité qui est introuvable, parce qu'évidemment, ça n'est pas parce qu'on n'écrit pas exactement ce qui s'est passé à l'endroit où on était que l'on est faux. C'est la vérité que l'on a en soi qui compte, en l'occurrence, à propos d'un conflit aussi terrible que la Première Guerre mondiale, Jérôme Prieur. Le cas de Norton Crewe est intéressant parce que c'est un sémiologue avant l'heure. Il passe au tamis de la critique historique. Tous les récits des combattants, c'est uniquement les récits des combattants ou de ceux qui se sont approchés de la zone des combats pour disqualifier, je sais pas, le feu d'Henri Barbusse et pour élire au contraire Dorgelès et pas Genevoix, enfin voilà. Et parce que au nom de l'exactitude, de l'authenticité historique, mais aussi au nom d'une espèce de résistance à la littérature, c'est-à-dire que si ces auteurs sont de façon trop ouverte des écrivains, des littérateurs, aussitôt on sent chez cet homme qui devait être absolument passionnant, qui a fait un travail qui ne peut que nous fasciner, un travail encyclopédique, exhaustif, un collectage, seul, publiant à compte d'auteur son livre, enfin, etc., etc. Mais on sent chez cet homme la peur de la littérature, alors que je pense que dans la littérature, dans les formes d'expression de la guerre de 14, il y a des choses qui sont dites, qui n'ont été dites nulle part ailleurs. Jean-Yves Joanet, vous qui êtes plongé depuis si longtemps maintenant, plus d'une dizaine d'années, dans la lecture de récits de batailles et de guerres, cette Première Guerre mondiale, vous la noyez comme toutes les autres guerres dont vous parlez dans Moab, avec d'autres conflits. Vous y voyez une particularité, un type de récit différent, ou en fait, est-ce qu'au bout du compte, ces figures que vous tentez de faire surgir comme le dessin dans le tapis, sont semblables à ce qu'on a pu raconter de la Bérézina, à ce qu'on a pu raconter des massacres, des guerres plus anciennes? Je crois que j'ai fini par m'aveugler sur la... sur une quelconque spécificité d'un conflit, j'ai fini par voir cette masse des conflits comme une seule et même bataille. J'ai fini par y croire moi-même. Parce que Moab, c'est pas simplement le personnage biblique, c'est Mother of All Battles. Oui, Moab, c'est un acronyme pour les Américains, c'est Mother of All the Bombs. Dans un premier temps, ça désigne très précisément dans l'arsenal américain, à partir de 48, de Bikini, la plus grosse bombe non nucléaire de l'arsenal américain. Moi, je me saisis de cet acronyme qui renvoie, et c'est une chance pour moi, à la Bible et à la Genèse, pour parler de Mother of All the Battles, la mère de toutes les batailles. Donc ça devient le titre générique de ce récit. Voilà. Moi, je me saisis de ce que disait Jérôme, a fait un aveu très troublant à partir de ce livre d'enfance. Il en parle longuement dans son livre. C'est peut-être anecdotique, mais moi, j'ai le souvenir, au même âge, d'avoir entrepris d'écrire un livre d'histoire aussi. Mais c'était un livre de collage, déjà. C'est-à-dire que je m'étais pas mis en tête que je pouvais être écrivain. J'avais entre 11 et 13 ans, pareil, et j'ai récupéré un lot de livres scolaires, de livres d'histoire, et je découpais les chapitres sur les Gaulois, sur la Renaissance, sur la bataille de Rocroi, et je l'illustrais avec ce que j'avais sous la main. Alors, il n'y a pas grand chose. Ma grand-mère était abonnée au Pèlerin Magazine. Mes parents lisaient les 7 jours. C'était pas très, voilà, mais il y avait des petites vignettes pour illustrer tel ou tel documentaire, j'avais entrepris ce collage-là, voilà, c'est ça qui me touche dans le livre de Jérôme Prieur. C'est aussi ce lien à l'enfance, parce qu'il est troublant aujourd'hui à mon âge de m'intéresser à la guerre. En fait, je m'y intéresse pas du tout. Je fais autre chose que m'y intéresser. C'est ça qui me tracasse. Qu'est-ce que ça me fait, la guerre? C'est pas l'intérêt, c'est autre chose. Mais qu'il est plus normal à mon âge de m'adonner à cette drôle de passion, que ça l'était quand j'avais 12 ans. C'est quoi la passion d'un adolescent aujourd'hui ou à notre, enfin quand on avait cet âge-là, de retrouver les tons exacts de tel camouflage d'un avion de guerre ou de peindre un petit soldat quand on a 12 ans. Là, c'est très étrange. Ça le devient moins aujourd'hui, je trouve. Au marché aux puces de Montreuil, ou chez les brocanteurs du quartier Saint-Paul, je faisais des trouvailles pour trois fois rien. J'étais chiffonnier au pays des ferrailleurs. Je découvris que les poilus fabriquaient des briquets avec des douilles de fusée éclairante et une pièce de 10 centimes. Il fallait porter le cuivre à incandescence, puis le refroidir en le plongeant dans l'eau pour le travailler sur une enclume de fortune. Le métal qui subsiste des instruments de mort a fait l'objet de transmutations. Émergent par enchantement bagues, cendriers, gobelets, présentoirs à photos, pots à tabac, lampes à huile, coupe-papier, bijoux, jouets, figurines à peindre, modèles réduits d'avions et de bateaux. Extraordinaire travail d'orfèvre accompli par des artisans qui passèrent des heures à tuer le temps. Un extrait de La moustache du soldat inconnu de Jérôme Prieur, qui est un de nos deux invités aujourd'hui dans la Fabrique d'Histoire avec Jean-Yves Joanet, un extrait de texte lu par Christophe Brault, Anaïs Quin. Et on vous suit, Jérôme Prieur, dans vos pérégrinations, les marchés aux souvenirs, les forts abandonnés, plus ou moins en ruine, plus ou moins restaurés, ici aux puces de Montreuil, on l'a entendu. En tant que documentariste, vous avez largement couvert la question de la Seconde Guerre mondiale. Et beaucoup moins cette Première Guerre mondiale dont on découvre à l'occasion de cet ouvrage qu'elle vous obsède quotidiennement. On a la sensation que vous passez vos week-ends à chercher des reliques de cette guerre. Pourquoi fallait-il écrire sur cette Première Guerre mondiale et faire cinéma pour la deuxième ? Je ne sais pas. Parce que vous finissez malgré tout par trouver un film dans cette Première Guerre mondiale. Oui. Il y a un objet qu'on bien trouve sûr, au cours de sûr. Cette quête. Mais je crois que l'obsession de la guerre de 14, qui n'est pas non plus une hantise quotidienne, je parle pas que de ça, je ne lis pas que ça. J'ai même, grâce à ce livre, enfin délivré de quelque chose qui est le poids de la guerre de 14, j'ai pu lire... mes contemporains, j'ai pu lire enfin le livre de Jean Rouault, Champ d'honneur, que j'avais pas lu parce que je ne pouvais pas. J'ai pu enfin lire le livre stupéfiant, sidérant de Jean Echenoz. J'ai pu lire des livres comme ça que je ne pouvais pas lire physiquement. Mais sinon, j'ai des tas d'autres objets de fascination et de curiosité. Simplement... Cette guerre de 14, elle me poursuit et quand est arrivé le centenaire, un petit peu avant, je me suis dit, j'ai une avance considérable sur les autres. Comment gagner la bataille. Je peux gagner la bataille et puis je l'ai pas gagnée. J'ai pas cherché à la gagner. Il s'est trouvé que la lecture que vous venez de faire de mon rapport à la photographie est la lecture de ce texte sur les bijoux, sur la bijouterie comme ça que les poilus faisaient en 14-18, ça revient à quelque chose de très fort que j'ai découvert dans les photos de 14-18. Le fait que il y a toujours quelque chose de double, il y a à la fois l'horreur, le charnier, le champ de bataille, on le voit pas forcément d'ailleurs, enfin, on voit un bout de casque, on voit, voilà. Mais il y a cette horreur-là, et puis il y a d'autres photos que j'ai vues beaucoup, et que j'ai vues beaucoup enfant, où le monde a l'air paisible, où on a des bandes de joyeux gaillards qui chassent le rat, ou qui jouent à la manille, ou qui ont l'air de bien s'amuser, comme ça. Et donc, c'est ces deux images-là, tellement contradictoires, qui m'ont poursuivi, persécuté, et dont ce livre, j'espère, j'en suis pas sûr, je le dis et je le répète, me délivre. Oui, parce que cette guerre a, entre guillemets, l'avantage pour nous et peut-être aussi pour les combattants, de pouvoir être photographiés par certains d'entre eux, même si le contrôle sur les photos est important, être filmés aussi pour certains d'entre eux. Et ces images que vous avez pu voir et que nous voyons désormais depuis maintenant 4 ans, parce que la mission du centenaire fait très bien son travail dans ce domaine-là, qui ont été restaurées, qui ont été montrées dans de nombreux festivals, vous ont touché pas simplement en tant que cinéaste vous-même, Jérôme Prieur, mais simplement par cette préoccupation qu'avaient ceux qui étaient au front à un certain moment de s'adonner à ce plaisir de capter l'instant, d'y mettre par exemple des fois un petit personnage qu'on trimballe partout avec soi et qu'on met devant la caméra ou devant l'appareil photo pour pouvoir avoir le champ de bataille et ce petit personnage qui est sa mascotte par exemple, ça peut arriver. Oui, je crois que j'ai pas tellement une démarche d'historien. Les historiens ont fait un travail extraordinaire sur la guerre de 14. Je les ai lus, j'en ai beaucoup lu. Je crois que j'ai plutôt un rapport à cette histoire d'archéologue. C'est-à-dire que les objets, je commence le livre par ce que je crois être un morceau de but abandonné et qu'il faut évacuer de chez moi. Les objets font durer cette guerre jusqu'à nous. Je crois que c'est Stéphane Audouin-Rouzeau qui dit que la guerre de 14, voyant disparaître ses derniers témoins, va sans doute voir sa lumière comme un astre décliné. Je crois pas tellement. Je vois comment ça touche quelqu'un comme Jean-Yves Jouannet, mais comment ça touche d'autres écrivains, des artistes, des peintres. Je pense que la durée de vie des objets que cette guerre a laissé derrière elle fait qu'elle est toujours présente et énigmatique. Mais de manière plus ou moins prégnante, puisque à un moment donné dans cet ouvrage, vous trouvez cet objet, le film dont on parle depuis le début de ces émissions sans dire ce que c'est. Oui. Donc c'est oui. un film fait oui. par un soldat lui-même en 1915 à Bois-le-Prêtre, a priori au lendemain d'une bataille, où on voit un bataillon évacuer des cadavres de soldats, oui. notamment sur une charrette. Il y a plusieurs séquences, le film n'est pas monté. Tout cela est filmé de manière totalement clandestine, parce que si je me souviens bien, c'est interdit à ce moment-là, pas non, encore. Non, c'est interdit, mais je crois pas du tout que c'était filmé de manière clandestine. Mais c'est interdit. Oui. Mais non, je vais raconter. Je vais raconter si j'ai 2 minutes d'où ça vient, c'est-à-dire que ça vient d'une photo que je vois, dans le numéro de Paris Match qui commémore la guerre de 14 en 64. Donc je suis très jeune. Et dans cette photo, il y a une double page de Paris Match, c'est énorme, où on voit une petite escouade de soldats dans une clairière. Il y a des arbres encore. On est en 1915 parce qu'ils n'ont pas de casque. Enfin, faut dire que le casque, Adrien, il est apparu qu'à l'été 1915. C'est de la folie furieuse quand on y pense. Ils ont le képi, et ils cassent la croûte. Mais ils cassent la croûte, pas dans n'importe quelle condition. Ils cassent la croûte sur 2 ou 3 cercueils empilés les uns sur les autres. Quelques années plus tard, enfin de nombreuses années plus tard, j'en ai tiré un petit livre qui s'appelle « Guerre éclair », parce que pour moi, ça me semblait être en un éclair la guerre qui était racontée, comment la vie et la mort s'imbriquaient. Et le rêve que j'avais eu en écrivant ce livre, et surtout après l'avoir écrit, parce que les livres sont pas finis quand on les a publiés, le rêve que j'avais eu, c'était de retrouver qui avait pris cette photo, qui étaient ces hommes, où on était, d'identifier chacun des visages. Puis je me suis cassé la figure. Tous les spécialistes à qui j'ai demandé ont été incapables de me dire plus que ce que je savais déjà. Et puis finalement, j'ai réussi à faire ça, à chercher à faire ça avec ce petit film que je découvre, qui a été tourné en 1915 à Bois-le-Prêtre par un adjudant, l'adjudant Jules Albert Gall Ladevèze, natif de la Vienne, mon département. Voilà, c'est une raison de plus de la oui. de l'apprécier. Et cet homme tourne près de Bois le Prêtre et il tourne des choses très banales. Il tourne l'arrivée d'un régiment dans le village voisin, à Gézinville. Il filme une remise de décoration dans une tranchée, ce qui est un petit peu moins banal. Et il filme surtout... comment ce qu'on fait des cadavres après une bataille. Et alors, ce qui est extraordinaire dans ce film amateur, c'est un amateur, mais c'est un amateur comme Sacha Guitry en 1915 quand il tourne ceux de chez nous, même s'il a un opérateur avec lui, est un film amateur. C'est un film amateur dans lequel ce cinéaste amateur, mais qui est un grand cinéaste, comprend que filmer la guerre, c'est filmer du temps. Et donc, au lieu de filmer ce qui s'appelle comme l'équivalent d'une photographie qui serait empilement de cadavres sur une charrette, il reste plusieurs minutes à regarder. Et où je suis pas d'accord quand on dit que c'est un filmage clandestin, c'est que on voit très bien que les figurants de cette scène, comme les figurants des autres scènes, le voient, lui, l'opérateur, et lui font des signes et lui adressent un salut. Mais ce qui est saisissant dans ce petit film, c'est la manière dont cette horreur, elle est complètement banalisée. Enfin, ils font leur travail, ils font le job, et lui aussi. Et s'il faut tasser les cadavres sur la charrette, voilà. On les tasse sur la charrette pour faire plus de place à ceux qui arriveront ensuite. Voilà. Mais sans véritable respect pour les corps, ce qui est un peu impressionnant, voilà. Effectivement, quand on regarde ce film. Voilà. On les empile comme des rondins. Mais voilà. C'est peut-être aussi un des aspects qui hante ces deux ouvrages, c'est le dépassement d'un certain seuil de violence auquel les acteurs s'habituent, auquel les soldats s'habituent. C'est-à-dire qu'il y a toujours le moment de l'effroi, le moment de la découverte de la violence, Jean-Yves Jouannet, mais aussi une habitude. On s'habitue à un seuil de violence, on s'habitue au bruit, on s'habitue aux odeurs, on s'habitue à la mort, et on s'habitue à vivre dans ce contexte de guerre. Oui, sûrement, mais je crois qu'à la différence de... Je crois avoir saisi peut-être ce qui pourrait différencier la recherche de Jean Prieur et la mienne, même si c'est dans la même contrée, le même univers et qu'on parle la même langue. Le fait que Jérôme... Ce qui est passionnant dans son livre, c'est qu'il y a toutes ses passions. C'est-à-dire qu'il y a le cinéma, l'analyse des images, l'iconographie, l'iconologie, et puis la guerre. Moi, je pense m'intéresser moindrement aux objets, aux traces et aux images. C'est-à-dire que le point de départ, ce sont les textes. En fait, c'est une entreprise de collection de bribes de littérature, c'est ce que j'ai dit en préambule. Et pour le coup, je ne déroge que très peu ou très rarement à cette règle-là. Le fait est que il y a au cœur de l'Encyclopédie des guerres des images, des extraits de films, mais c'est presque une trahison, je dirais, du projet initial. Je n'ai pas cet attrait-là, cette curiosité-là, ou cette science-là de l'analyse des objets. Dans le sombre royaume de terre et de fer, s'insinua une odeur grotesque et triste. Une odeur étrange et saisissante d'eau de Cologne et de poudre de riz. Les Allemands avaient non seulement raté l'objectif principal, mais toucher l'usine de savonnettes et de parfums bourgeois. Pendant des jours, l'étrange pot pourri de parfums persista. En général, si l'atmosphère est immobile et tranquille, la force des odeurs sera en raison inverse du carré de la distance. Il en est quelques-unes dont l'expansibilité est excessive et qui sont portées à des distances étonnantes. On rapporte que des vautours vinrent d'Asie sur le champ de bataille de Farsal, attirés par l'odeur des cadavres qui y gisaient. C'est un des chapitres de Moab, votre épopée en 22 chants, Jean-Yves Jouannet, paru chez Grasset, sur ce qui ne laisse pas de traces, a priori, qui d'ailleurs pose énormément de questions à l'historien ou à l'historienne, que vous n'êtes pas, puisque vous êtes écrivain, c'est l'odeur ou le son. On sait qu'ici on a tenté plusieurs fois de savoir quel était le son de la bataille, en particulier des batailles de la Première Guerre mondiale, mais alors l'odeur? Oui, mais ce sont des problèmes qui ne m'arrêtent pas moi, mais qui sont des vraies questions scientifiques, pour le coup. Encore une fois, comme je dis ou je prétends ne m'intéresser qu'au texte, rendant compte de l'expérience de la guerre, je suis confronté à des formes figées et répétitives de littérature. Soit c'est l'odeur est épouvantable, voilà. Soit elle est surprenante, soit c'est une odeur de cordite. Voilà. Soit c'est... Et la question qui se pose, c'est la question que se posait Norton Crewe, dont Jérôme parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les formes de littérature qui racontent une harangue, par exemple, quand on lit dans Virgile, Énée, ou dans Xénophon, l'Anabase, Xénophon lui-même faisant, haranguant ses troupes. C'est quoi de haranguer 10 000 hommes ou 30 000 hommes dans un désert? Sans micro, sans haut-parleur. Évidemment que cette chose, dans les faits, n'a jamais existé sous la forme dont elle est décrite dans les livres de Thucydide, de Jules César, etc. On ne pouvait haranguer les foules des armées. De la même manière, qu'en est-il de la réalité physique de la destruction totale des villes, telle qu'elle est dite, racontée dans tous les livres de guerre? Carthage a-t-elle été détruite? Bon, c'est une question... D'abord, il ne fallait pas la détruire, ça allait devenir une espèce de capitale romaine. Et puis, qu'est-ce que ça voulait dire, détruire complètement une ville? Jeter du sel sur le oui, sol. Oui, mais encore une fois, les villes les plus détruites pendant la Seconde Guerre mondiale l'ont été à 90-95%. Et il y a cet historien américain dont j'oublie le nom qui dit « Mais moi... je n'arrive pas à souscrire à cette idée que les Spartiates aient pu détruire des campagnes entières autour d'Athènes, parce que moi, avec mon tracteur, il me faut une journée pour arracher un olivier. » Voilà. Donc, quel temps fallait-il pour détruire une ville construite, non pas en bois, mais en pierre? C'était des années totales. Alors, à quoi correspond cette forme, ces phrases qui... De récits qui disent « il ne restait plus une pierre sur une pierre ». Voilà. Est-ce que cette réalité des lieux a existé? C'est une vraie question. Pour la Première Guerre mondiale, oui, ça a existé. On a quelques villages entièrement détruits. Ah oui, ben, quand on va autour de Verdun, de Douaumont, il n'y a plus que le nom des villages, enfin, avec des maires fantômes, d'ailleurs. C'est impressionnant. Moi, ce qui me frappe, c'est au contraire comment on voit dans les lettres de combattants qui cherchent à communiquer quelque chose de ce qu'ils vivent à ceux de l'arrière. Et donc, je cite par exemple un soldat qui envoie à sa femme un bout de sa capote militaire en lui disant « elle est tachée de boue et de vin, il dit pas de sang, mais il doit y avoir du sang, pour que tu vois ce que c'est, que tu saches ce que c'est ». Il y en a un autre, il lui dit « cette lettre, je l'ai parfumée au gaz asphyxiant pour que tu sentes l'odeur de la guerre ». C'est-à-dire que on sent comme ça cette envie de dire, de communiquer, de transmettre, voilà, et qui est l'exact contraire ou l'exact pendant de ce fameux silence du permissionnaire que Jean Paulhan a théorisé d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qu'avant lui Walter Benjamin évoque en disant comment des hommes qui ont vécu une chose aussi qui défie autant la raison pouvaient-ils raconter cela à ceux qui ne l'avaient pas vécu. D'où ce silence dont nous sommes nous-mêmes, sans l'avoir voulu, nous-mêmes, nos parents et nos enfants, mais nous, parce qu'on est les derniers témoins, nous sommes les héritiers. Anaïs Quien. Oui, on le sait bien, la guerre fait écrire, Jean-Yves Jouannet. Vous vous confrontez depuis plus de 10 ans à un massif littéraire. On l'entendait, Jérôme Prieur a... vous cherchez des aspérités, Jérôme, pour trouver des portes d'entrée, des clés de compréhension. Et à l'inverse, peut-être, si on continue à comparer vos deux ouvrages, d'une certaine façon, vous, Jean-Yves Jouannet, vous refusez les aspérités, comme si il s'agissait plutôt de recréer, de reformer un corpus, que de le comprendre davantage. C'est en partie vrai. Je dirais que je disais au préalable que je n'étais pas persuadé d'être intéressé par la guerre. En fait, le mot intérêt est problématique. Ça suppose l'usure, ça suppose l'hypothèse d'un retour sur investissement. C'est pas un mot très beau, l'intérêt. Nous sommes des animaux curieux, on s'intéresse à tout. Moi, je m'intéresse à la Syrie, aux guerres d'aujourd'hui. Mais ces guerres-là, que j'utilise, entre guillemets, jusqu'au 6 août 45, elles font autre chose que m'intéresser. Et je voudrais savoir quelle forme de tracas ça m'offre ou ça me procure. Ça me tracasse, ça me perturbe, ça fait autre chose que m'intéresser. Ce qui me trouble dans cette histoire, et quand j'entends Jérôme, ça me confirme dans cette hypothèse, c'est que je suis intéressé en revanche par cette idée du transport de l'énergie du récit. Comment une histoire qui est celle d'Hector et d'Achille nous parvient. Sous quelle forme? En ayant perdu quoi en route? En ayant permuté tel épisode ou tel avec tel autre? Pourquoi? Les effets de la mémoire, notre propre mémoire sur ces récits-là, en fait, c'est ça, c'est le grand mystère. C'est quelle est cette énergie inouïe du récit qui nous amène, juste comme des vagues viennent sur le rivage, nous déposer des légendes, celles de Guinemer, d'Astrubal, de Jules César et de Rommel. Enfin, comment? Enfin voilà, c'est des questions très naïves. Hein, plus que naïves tout de même. Ce sont des questions très très très fortes parce qu'effectivement, c'est ce qui transporte notre imaginaire des guerres. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que cela peut être performatif, y compris pour des gens qui combattent aujourd'hui en Syrie. Ceux qui se sont engagés dans tel ou tel combat ont sûrement quelques-uns de ces récits de guerre que vous avez vous-même lus, Jean-Yves Joinet. Mais c'est possible. En tout cas, pour finir la métaphore ou cette image du transport de l'énergie, je pense que ce qui s'appelle plus EDF aujourd'hui, entre les lignes haute tension qui sont au-delà de 400 000 volts et moyenne tension 60 000 volts et quelques, il y a évidemment la loi Joule qui fait qu'il y a une déperdition de cette énergie. Il y a de la perte, il y a de l'échauffement, comme Norton Crue l'a remarqué dans les textes de guerre. Il y a de l'enjolivement, il y a de la perte, il y a de la permutation. Et ce sont ces phénomènes d'écriture et de lecture qui, moi, m'intriguent. Un dernier mot, Jérôme Prieur. Un dernier mot, c'est pour penser à quelqu'un qui pourrait être avec nous, qui intéresserait beaucoup Jean-Yves Joinet, quelqu'un qui s'appelle Jean Quellier, qui est un poète et un traducteur, qui a écrit un livre que j'ai découvert tout récemment grâce à un article de Patrick Échichian, et ça s'appelle Voix éclatée, et c'est un oratorio, vraiment énorme oratorio, composé de voix, de récits, de soldats anonymes et d'écrivains. Et c'est une espèce d'œuvre musicale, enfin imprimée, qui est sidérante. Merci à Christophe Brault qui a lu les textes tirés de vos deux livres, Jérôme Prieur, La moustache du soldat inconnu, au Seuil, dans la collection de la librairie du 21e siècle, et Jean-Yves Joinet, Moab, épopée en 22 chants chez Grasset. Puis signalons qu'un photographe qui s'appelle Hugo Passarello Luna a fait un travail photographique qui sera exposé à partir du 6 novembre à Paris, au 61 rue de l'Oise. On le mettra sur le site de France Culture, qui s'appelle Nostalgie de la boue. Et il va photographier avec un appareil de la Première Guerre mondiale des reconstituteurs, ces personnes qui justement tentent de se mettre dans la peau des soldats de 1914. Il les photographie. Ça sera donc exposé à Paris à partir du 6 novembre au 61 rue de l'Oise, dans le 19e arrondissement de Paris. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marsay et Céline Leclerc. Emmanuel Morzacan nous a accompagné à la technique aujourd'hui et Séverine Cassard à la réalisation.